À midi 30 minutes en ce lundi 1er août, ici Dominique Lelièvre et les informations. D'abord, c'est une forme grave d'hépatite qui a emporté Sylvie Roy, la députée d'Arthabasca, est décédée de manière inattendue hier à l'âge de 51 ans. Elle avait été admise à l'hôpital de l'Enfant Jésus au début du mois pour un malaise qualifié de sérieux. La politicienne qui a siégé 13 années à l'Assemblée nationale sous la bannière de l'ADQ et de la CAQ plus récemment. Récemment aussi, elle a siégé comme indépendante. Elle s'est fait remarquer par son combat acharné contre la corruption et la collusion. Son départ a causé une onde de choc dans le monde politique. À la CAQ, François Legault l'a qualifiée de battante. Le premier ministre Philippe Couillard a salué son travail mené avec cœur et passion. Et l'ex-chef de l'ADQ, Mario Dumont, s'est dit particulièrement bouleversé, confiant qu'il consultait Mme Roy jusqu'au dernier moment de sa carrière politique. Dossier des pitbulls et des chiens dangereux, l'ordre des médecins vétérinaires est catégorique à l'effet que bannir une race de chiens ne réglera pas le problème des morsures. C'est ce qu'indique l'organisation dans son rapport au comité ministériel qui planche cet été sur une solution pour mieux encadrer les chiens dangereux. Le gouvernement provincial devrait annoncer à l'automne une nouvelle réglementation. Pour l'ordre des médecins, le bannissement de races dans les villes du monde où il a été implanté s'est avéré chaque fois inefficace. Il prône plutôt pour un meilleur contrôle des élevages et de la vente. De la formation aussi pour les propriétaires et propose de stériliser les chiens dangereux. La SAQ n'a pas tiré les leçons du dernier rapport de la vérificatrice générale, selon ce qu'a constaté le Journal de Québec. La société d'État continue de lancer des appels d'offres auprès des producteurs avec un prix de vente plancher, ce qui la prive des producteurs pouvant offrir des prix plus raisonnables. La SAQ a publié récemment un appel d'offres pour deux vins rosés mousseux auprès de producteurs européens, fixant d'avance le prix plancher à 11,95 $. C'est une pratique qu'avait dénoncée le mois dernier la vérificatrice générale du Québec. Chez nous, à Québec, la ville ne compte pas repeindre la voie cyclable de la 3e avenue. Le nouveau tracé est pourtant très propice à l'emporte-tirage. On dénonçait un collectif de citoyens qui se sont adressés à l'administration municipale dans une lettre. Le corridor réservé aux voitures stationnées est très étroit. Plusieurs automobilistes empiètent sur la voie des vélos. Résultat, certains cyclistes préfèrent rouler directement sur la rue. Un porte-parole de la ville de Québec a affirmé que le tracé ne serait pas modifié cet été, mais qu'il pourrait être amélioré l'été prochain. Et c'est ce qui complète ce bulletin d'information de retour à Midi Jazz. CKRL 89.1.